إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers frères et sœurs, nous continuons toujours la lecture et l'explication du chapitre des invocations du matin et du soir tiré du livre La citadelle du musulman, qui est l'œuvre du Cheikh Saïd ibn Ali al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Et nous allons voir aujourd'hui une invocation immense qu'a enseigné notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à son épouse Juwayriya radiyallahu anha. Et c'est l'invocation que l'on appelle la formule de rappel décuplé, en raison de son mérite et de sa récompense immense, comme on va le voir, inshallah ta'ala. Cette invocation est donc la 18e invocation prophétique que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnée ici, et elle consiste à dire le matin à 3 reprises Subhanallahi wa bihamdihi, pureté à Allah et à lui les louanges, adada khalqi, d'un nombre égal à celui de ses créatures, wa ridha nafsi, suffisant pour obtenir son agrément, wa zinata arshi, égal au poids de son trône, wa midada kalimati, et au volume de l'encre de ses paroles. Cette invocation est rapportée par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala dans ce recueil de hadiths authentiques. D'après Juwayriya radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte qu'il est sorti de chez elle pour la prière de l'aube alors qu'elle se trouvait sur son lieu de prière. Il est ensuite revenu une fois le matin arrivé et la trouva toujours assise. Il lui dit alors: tu es restée dans la situation dans laquelle je t'ai laissée? Elle répondit que oui. Elle est restée assise sur son lieu de prière à faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit alors: j'ai dit après toi, c'est-à-dire après t'avoir laissé, 4 paroles à 3 reprises. Si elles étaient pesées avec ce que tu as dit depuis ce matin, elles l'emporteraient. C'est-à-dire qu'elles sont plus immenses en termes de récompense. Puis il lui enseigna ces paroles que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnées ici. Ceci nous démontre donc le mérite de la prononciation de ces quelques paroles qui, bien qu'elles soient courtes, sont plus grandes en termes de récompense que d'autres longues formules de rappel en raison de leur sens immense. Et avant de passer à l'explication des sens de ces paroles, j'aimerais tout d'abord que l'on médite ensemble sur quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Premièrement, on voit dans ce hadith à quel point Juwayriya, radiyallahu anha, se consacrait à l'adoration et au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle resta assise durant cette longue période à faire du dhikr. Et c'est ainsi qu'étaient nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, hommes et femmes, car ils avaient conscience de l'importance du temps et de la valeur de cette noble adoration qui est le rappel d'Allah, ainsi que de son impact sur le cœur du croyant. Donc tu ne dois pas lire et écouter ces récits sans en tirer des leçons, sans chercher à prendre nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, comme modèle. Nous disons suivre la voie des pieux prédécesseurs. Voici la voie des pieux prédécesseurs. Voici leur voie dans l'adoration et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous vis-à-vis de cela? Qui parmi nous aujourd'hui se consacre ainsi au rappel d'Allah? Qui parmi nous se consacre ainsi à l'adoration d'Allah? Qui parmi nous se consacre à l'étude de la science, à l'apprentissage de ce qui lui est profitable? Chacun d'entre nous sait ce qu'il en est concernant sa propre personne. Et chacun d'entre nous doit revoir ses priorités et chercher à se concentrer sur ce qui lui est utile ici-bas et dans l'au-delà. Nous passons parfois aujourd'hui de longues heures à regarder ou écouter ou lire des choses futiles qui ne nous sont d'aucun profit, ni ici-bas ni dans l'au-delà. Mais lorsqu'il s'agit du dhikr, du rappel d'Allah, des prières surérogatoires ou autres, malheureusement nombreux sont ceux à toujours vouloir en faire le minimum. à se contenter du minimum et à ne pas consacrer de temps à ces nobles adorations Allah al-Musta'an. Le deuxième bénéfice est que Jurayriya radiallahu anha resta assise ainsi, comme on le voit dans le hadith, dans son lieu de prière, c'est-à-dire le lieu où elle accomplissait sa prière dans sa demeure. Et ceci est une preuve qu'il est légiféré pour la femme de choisir dans sa maison un endroit pour prier, aussi bien les prières obligatoires que les prières surrogatoires. Et sa prière à cet endroit dans sa demeure est meilleure pour elle que la prière à la mosquée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Leurs demeures sont meilleures pour elle ». Et il a aussi dit sallallahu alayhi wa sallam « Les meilleurs lieux de prière pour les femmes sont le fond de leur demeure, là où elles sont le plus préservées, là où elles sont le plus à l'abri de tout trouble, de toute tentation, de toute chose nuisible ». Et ceci nous démontre le mérite pour la femme de rester dans sa demeure de manière générale, comme Allah subhanahu wa ta'ala le lui a ordonné dans son noble livre. Et c'est ainsi qu'il convient d'agir pour la femme qui cherche le bien et qui souhaite être vertueuse. La vertu, elle ne se trouve pas en s'exhibant dans les rues, dans les marchés ou les centres commerciaux. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la femme de s'ancrer dans sa demeure, et de ne pas s'exhiber à la manière des femmes d'avant l'islam, cela signifie également qu'elle doit veiller à préserver sa personne de toute forme d'exhibition, même si c'est à travers les moyens de communication modernes, comme les réseaux sociaux ou autres. Si l'on dit qu'en ce qui concerne la prière, qui est le deuxième pilier de notre religion, cette prière pour la femme, elle est meilleure chez elle qu'en groupe à la mosquée. Pourquoi? Car il est meilleur pour elle de rester dans sa demeure. Alors que dire des sorties sans nécessité? Que dire des sorties qui sont parfois même interdites? Et que dire de cette exhibition que l'on voit aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram ou autre, de certaines femmes qui exhibent leur vie et dévoilent l'intimité de leur foyer à travers ces réseaux, Allahul Musta'an. La troisième chose, ou le troisième bénéfice, sur lequel j'aimerais que l'on médite, c'est que l'on voit une fois de plus dans ce hadith, la bienveillance du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les gens de son foyer. On a vu dans un précédent hadith, son enseignement d'une formule de rappel profitable à sa fille Fatima radiallahu anha. Et on voit ici qu'il veillait également à enseigner le bien à ses épouses, à leur enseigner ce qui leur permet de se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons le prendre pour modèle en cela. Beaucoup de nos frères aujourd'hui pensent que leur devoir envers leurs épouses n'est que de les loger, de les nourrir ou de les vêtir et autres choses semblables. Et beaucoup sont ceux à oublier ce qui est plus important que cela, ce qui est la base essentielle de ton bonheur ici-bas et dans l'au-delà, et qui est le fait de veiller à l'éducation religieuse des gens qui sont sous ton autorité, parmi les épouses et les enfants, à leur enseigner le bien, à veiller à leurs bonnes pratiques religieuses. Ceci fait partie de tes responsabilités. Certains de nos frères rêvent d'avoir des femmes vertueuses, ou alors se plaignent de certains manquements de leurs épouses, alors qu'ils sont eux-mêmes plongés dans l'insouciance du matin au soir. Loin de l'apprentissage de la science, loin des assises de rappel, loin de se consacrer à l'adoration aux œuvres de bien, ils négligent leurs épouses, ils négligent leurs enfants sur leur plan religieux, puis ensuite, ils veulent une épouse comme Khadija ou comme Aïcha ou comme Jouayriya. Donc la première chose, mes frères, est de penser à se réformer, à réformer nos personnes, et à veiller à suivre ce sur quoi était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a certes dit « le meilleur d'entre vous » et le meilleur envers sa famille, et je suis le meilleur envers ma famille. Sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, le quatrième bénéfice, sur lequel nous allons méditer ici, est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a orienté son épouse, radiallahu anha, vers cette formule de rappel. En effet, on voit qu'elle est restée assise durant cette longue période à faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une chose louable. Toutefois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a orienté vers une formule de rappel courte, mais plus grande en termes de récompense. Et certains savants ont dit, C'est comme s'il avait voulu lui permettre de gagner du temps, en lui enseignant des paroles plus courtes, mais plus grandes en termes de récompense que ce qu'elle avait prononcé. Et ce, afin qu'elle puisse se libérer pour d'autres adorations, comme les occupations de la maison et autres. Et ceci est un bénéfice immense en réalité. Car l'homme et la femme ont chacun des responsabilités. Et la femme a des responsabilités dans son foyer. Et elle doit savoir qu'en se chargeant de ses responsabilités, parmi les tâches ménagères, l'éducation des enfants et autres, si son intention est bonne, alors elle se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par cela. Et elle ne doit en aucun cas penser que ceci est une perte de temps, tant que cela est à juste mesure, bien sûr. Mais ceci fait partie des choses par lesquelles elle peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la femme doit prendre garde à ne pas se consacrer à des œuvres surérogatoires au détriment de ses obligations au sein de son foyer et de ses obligations conjugales, comme pourraient le faire certaines personnes qui favoriseraient, par exemple, l'apprentissage de certaines sciences surérogatoires au détriment de leurs obligations au sein de leur foyer, de leurs obligations vis-à-vis de leur mari ou de leurs obligations vis-à-vis de leurs enfants et ainsi de suite. Et chacun d'entre nous doit bien s'organiser afin de ne pas négliger ses priorités. Ceci était donc quelques bénéfices sur lesquels je tenais à méditer avec vous concernant les enseignements que l'on peut tirer de ce hadith. Concernant l'essence des paroles que l'on prononce dans cette formule de rappel, on a vu qu'elle commence par « Subhanallahi wa bihamdihi »« Pureté à Allah et à lui les louanges ». On a vu hier que « pureté à Allah », cela signifie qu'il est exempt et purifié de tout défaut et tout manquement. Et lorsqu'on dit « à lui les louanges », cela signifie qu'on le loue car il se caractérise par les attributs de perfection. On réunit donc à travers cette parole la négation de tout défaut et l'affirmation de toute perfection pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu précises ici que cette parole, tu ne la prononces pas seulement une seule fois, mais tu la proclames « adada khalqi » d'un nombre égal à celui de ses créatures. Un nombre égal à toutes ses créatures, celles qui existent, celles qui ont existé auparavant et celles qui existeront. On voit donc qu'en réalité, c'est une chose indénombrable et une chose immense. Et on comprend le mérite et la récompense immense qu'il y a à travers la prononciation de ces quelques paroles. Ensuite, tu dis « warida nafsi », c'est-à-dire que tu proclames cela de façon suffisante à obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je proclame ta pureté, ô Allah, et tes louanges autant de fois que tu l'agrées. « Wazinata arshi », égal au poids de son trône. Le trône qui, comme on l'a vu lors de l'explication de Ayat al-Kursi, c'est la créature la plus immense. Donc tu proclames la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses louanges d'une façon égale au poids de son trône. Wa midada kalimati, et au volume de l'encre de ses paroles. C'est-à-dire je proclame ta pureté sans fin, ô Allah. Car les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'épuisent pas. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-Kahf. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi. Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, la nafid al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. La mer se serait certes épuisée avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Walau ji'na bimithlihi madada. Quand bien même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Donc tout ceci nous démontre la valeur immense de ces courtes paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à son épouse dans ce hadith, et son enseignement pour son épouse est un enseignement pour l'ensemble de la communauté. Il nous convient donc d'être assidus à la prononciation de ces paroles à trois reprises lors des adhkars du matin, et il n'y a pas de mal à les prononcer également à tout moment de la journée. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné une autre invocation qui consiste à dire le matin « Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a »« Oh Allah, je te demande une science profitable »« wa rizqan tayyiba »« une subsistance bonne »« wa amalan mutaqabbala » »« et une œuvre acceptée » L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit que cette invocation est rapportée par Ibn Majah et d'autres Dans un hadith authentifié par l'imam al-Albani, rahimahumullah ta'ala, et si tu médites sur les termes de cette invocation, tu verras que la prononcer après la prière de l'aube est vraiment une chose très appropriée à ce moment. En effet, la prière de l'aube est le début de la journée et son commencement. Et le musulman ne devrait avoir d'autre ambition dans sa journée que d'atteindre ces trois objectifs qui sont obtenir une science profitable, obtenir une bonne subsistance et accomplir une œuvre acceptée. Donc cette invocation, elle te permet de te rappeler de ces trois objectifs. Et elle te permet ainsi de t'organiser et de te concentrer afin de pouvoir atteindre ces objectifs. En effet, se rappeler de ces objectifs est une chose très utile pour la concentration et l'organisation. Celui qui sait quel est son objectif dans sa journée, qui sait ce qu'il a à faire, il va être organisé, inshallah ta'ala, il va veiller à son temps, il va veiller à le préserver, à ne pas le perdre, afin de ne pas se détourner de ses objectifs qu'il visait. Contrairement à celui qui se lève sans objectif, sans savoir quoi faire, comme beaucoup de gens aujourd'hui malheureusement, qu'on entend dire « je ne sais pas quoi faire aujourd'hui, je n'ai rien à faire, subhanallah ». Cela bien souvent, ils vont voir leur journée se terminer alors qu'ils n'en ont pas profité. Comment tu ne sais pas quoi faire? Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour une noble raison, qui est de l'adorer. Concrétise donc cet objectif. Si tu es libéré de toute occupation mondaine, alors consacre-toi à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et prends garde à ne pas laisser passer ce temps précieux de façon futile ou pire encore dans les péchés et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te rappelles donc de ces trois objectifs en début de journée et tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il te permette de les atteindre. Car tu sais que tu ne peux rien sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu prononces donc cette invocation afin qu'il t'aide à emprunter les causes qui te mèneront à ces nobles objectifs qui sont la science profitable, la bonne subsistance et l'œuvre acceptée. Car celui qui invoque, après avoir invoqué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire les causes pour atteindre ses objectifs. Il va chercher à obtenir cette science. Il va chercher à obtenir cette subsistance. Et il va chercher à accomplir cette œuvre acceptée. Et c'est cela la réalité du tawakkul. Que tu accomplisses les causes tout en t'en remettant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et médite ici sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé cette invocation en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala la science profitable en premier lieu, avant la bonne subsistance et avant l'œuvre acceptée. Et ce car, sans la science, tu ne pourras pas distinguer entre la subsistance qui est bonne et celle qui ne l'est pas. Sans la science, tu ne pourras pas distinguer entre ce qui est licite et ce qui est illicite. Sans la science, tu ne pourras pas distinguer entre l'œuvre qui est pieuse et celle qui ne l'est pas. Donc la science est indispensable. C'est pour cela que tu commences tout d'abord par demander la science profitable. Et ceci nous montre son mérite et le rang qu'elle occupe dans la vie du musulman. Cette science est la chose la plus immense que tu dois rechercher. Car sans elle, tu ne pourras pas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Ils ne sont pas égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Sans la science, il se peut que tu gagnes ta vie de manière illicite. Sans la science, tu ne pourras pas distinguer entre un commerce licite et un commerce interdit. Sans la science, tu ne pourras pas distinguer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tu as donc besoin de la science, afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, mais également afin de pouvoir te soumettre à ses ordres et t'écarter de ses interdits. Je commence donc cette invocation en disant « Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ». Ô Allah, je te demande une science profitable. Une science, c'est-à-dire une science religieuse. La science du Coran et de la Sunnah, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumallahu ta'ala. C'est cela qui est visé par la science dans les textes religieux. Et ici, il précise une science profitable. Et la science profitable, c'est celle que tu vas obtenir pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis que tu vas mettre en pratique. C'est cela la science profitable. Car, comme on le dit bien souvent lors de ces assises, l'objectif de l'apprentissage, ce n'est pas simplement d'accumuler des connaissances. Mais l'objectif de l'apprentissage, c'est la mise en pratique. C'est bien beau d'avoir de la science. C'est bien beau de mémoriser le Coran, de mémoriser des hadiths, d'assister à toutes les assises de science, d'étudier les livres de tawhid, les livres de croyance, les livres de fiqh, les livres de comportement et ainsi de suite. Mais cela n'est pas suffisant. Tu dois faire suivre cet apprentissage de la mise en pratique, afin que cette science te soit profitable et qu'elle ne soit pas un argument contre toi au jour de la résurrection. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. C'est une preuve pour toi si tu suis ses enseignements et que tu les mets en pratique. Et c'est une preuve contre toi si tu le délaisses et t'en détournes, wallahu al-musta'an. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder cette science profitable qui te permettra de te rapprocher de lui. Puis ensuite tu dis wa rizqan tayyiba, et une subsistance bonne, c'est-à-dire une subsistance licite. Et tu dois prendre garde à ne pas te nourrir de l'illicite. Car Allah subhanahu wa ta'ala est bon et n'accepte que ce qui est bon. Et il a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers, de manger des bonnes choses. Et manger des bonnes choses va t'aider à l'accomplissement des œuvres pieuses. Car celui dont la nourriture est licite, les membres de son corps seront facilités aux actes d'obéissance. Contrairement à celui dont la nourriture est illicite, les membres de son corps tomberont inévitablement dans les péchés, qu'ils le veuillent ou non. Donc il est important, mes frères, de veiller à ne gagner sa vie que de manière licite et à s'écarter de toute forme de subsistance illicite. Pense à cela lorsque tu fais cette invocation. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala une subsistance bonne. Donc si tu veux une subsistance bonne, tu dois t'écarter de toute transaction illicite, de toute transaction usuraire, de tout travail dans l'interdit et les péchés, de toute vente de produits illicites, de toute entraide dans la vente de produits illicites, et ainsi de suite. Mais tu dois chercher une source de subsistance qui te permettra d'obtenir cette subsistance bonne et licite par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu dans un cours précédent que la subsistance ne se limite pas à l'argent, la boisson et la nourriture. Entre dans la subsistance bonne le mariage, les enfants. Ceci fait partie également du rizq qui est demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre dans cela également tout ce qui favorise la vie des cœurs, comme le fait d'être facilité dans l'accomplissement de certaines œuvres de bien, comme la lecture, le rappel d'Allah, et autres parmi les actions qui feront monter ta foi, bi'inillahi ta'ala. Enfin, tu termines en disant, wa'amalan mutaqabbala, et une œuvre acceptée. Une œuvre qui sera acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une œuvre pour laquelle tu seras récompensé. Une œuvre qui ne sera pas rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'œuvre acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est laquelle? C'est l'œuvre pieuse. Celle qui est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui est conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est celle-là l'œuvre acceptée. Celui qui œuvre mais qui n'est pas sincère, qui recherche à travers ses œuvres les éloges des gens ou un profit mondain, son œuvre n'est pas pieuse et par conséquent il ne sera pas accepté. Tout comme l'œuvre qui n'est pas conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme l'œuvre innovée, l'acte nouvellement instauré en religion. Aussi bonne soit l'intention de son auteur, cette œuvre est rejetée, comme le démontrent les textes du Coran et de la sunna. Donc l'œuvre acceptée, c'est celle qui est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala et conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci était donc quelques explications de ces deux invocations et nous terminerons, inshallah ta'ala, les invocations restantes dans le cours de demain. Bi'inillahi ta'ala, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum.